RMC, Brigitte Lahaye, La Haye, l'amour et vous. Bonjour à tous, nous sommes ensemble jusqu'à 16h sur RMC et nous allons voir si on peut faire l'amour durant la grossesse. Alors c'est vrai que la grossesse, c'est un moment formidable pour le couple. Et puis c'est souvent un moment assez délicat parce que la sexualité est différente, elle peut même être inexistante. Alors pour certaines femmes, faire l'amour durant la grossesse, c'est pratiquement impossible. Mais figurez-vous qu'il y a aussi des hommes que ça bloque, ils ont du mal à désirer leur épouse durant ces quelques mois. Or, l'absence totale de sexualité, ça peut mettre le couple en danger. Alors, on le sait, les sexologues sont formels, il n'y a pas de contradiction particulière à faire l'amour durant la grossesse, même jusqu'au dernier moment. Mais il y a quelques précautions à prendre. Par exemple, il y a des positions particulières. Et puis, je crois qu'on peut surtout expliquer au couple qu'on peut garder une connivence sexuelle, même sans rapport sexuel. Et c'est ce qu'on va voir avec, évidemment, à mes côtés, un gynécologue. Ce sera David Elia. Alors, vous pouvez également réagir avec notre châtelaine, bien sûr. Bonjour, Ariane. Bonjour, Brigitte. Bien sûr, réagissez. A-t-on vraiment une sexualité lors de la grossesse? Donnez-nous votre avis sur le chat d'RMC. Vous pouvez accéder, il suffit d'aller sur rmc.fr. Vous allez ensuite sur la page d'accueil de l'émission. Vous cliquez sur l'onglet « Chatter ». Puis sur dialoguer avec l'émission en live, vous vous connectez et vous chattez avec nous jusqu'à 16h sur RMC. Voilà, et on commence avec une femme qui a un peu d'expérience, puisque je crois, Charlotte, que vous avez eu 3 enfants. Charlotte, bonjour. Oui, bonjour Brigitte et bonjour à votre invité. Donc, trois grossesses différentes. Trois grossesses différentes, oui. Oui. Tout à fait. Alors, pour ma part, j'ai jamais eu aucun problème au niveau de la sexualité pendant mes grossesses. Et je dirais même presque au contraire parce que, enfin en tout cas pour la première, ça c'est sûr, j'étais assez satisfaite, et mon mari également, d'avoir un petit peu plus de poitrine que d'habitude. Ça paraît anodin, mais en fait, ça m'a quelque part un petit peu plus excitée que d'habitude. Ça vous a épanoui et ça a attiré votre mari. Oui, tout à fait. Alors, mon mari, lui, n'a jamais eu aucun problème. Il a toujours été attiré par moi durant mes 3 grossesses sans souci. Et c'est vrai que, bon, parfois, il y a certaines positions qui peuvent être un petit peu plus douloureuses que d'autres. Et il faut peut-être aller un petit peu plus doucement quand même vers la fin qu'au début. Bien sûr, oui. Mais ça, on le sent, je suppose. Hein. Oui, on le sent. Et puis, si le partenaire quand même est un petit peu... il va s'arrêter. Voilà. Enfin, en tout cas, mon mari était tout à fait sensible et ne m'a jamais brusqué. Donc, on n'a jamais eu de problème. Mais je voulais souligner une anecdote qui nous est arrivée pour notre troisième enfant, notre troisième grossesse. Mm-hmm. Au quatrième mois, j'ai eu des pertes en toussant, en fait. Mais après avoir eu un rapport assez fort justement avec mon mari, j'ai toussé et j'ai eu des pertes, donc j'ai cru que... Ben voilà, je me disais, qu'est-ce que c'est que ce liquide? Vous êtes inquiétée, oui, bien sûr. Voilà, je me suis inquiétée, j'ai appelé mon gynéco tout de suite, et puis ma sage-femme, ils m'ont dit, bah, venez, on va voir, donc je suis allée voir. Et puis en fait, quand la sage-femme a mis une espèce de... je ne sais pas comment on appelle ça... une espèce de coton-tige pour voir de quelle nature était ce liquide, ça a été tout de suite la panique parce que, a priori, c'était donc une rupture de la poche des os. Enfin, votre invité confirmera ce que je dis, peut-être. Et donc, ça a mieux, été la mieux panique. Que moi, en tout cas. Voilà, et ça a été la panique parce qu'il a été question de me faire déclencher mon accouchement à 4 mois, donc c'était quand même... Oui, 4 mois, ça traite. Voilà, c'était foutu, quoi. Donc on était paniqués, et puis mon gynéco nous a fait une échographie qui révélait que finalement le liquide amniotique était d'abondance normale. Et il nous a donné une chance, il nous a dit, écoutez, on attend demain, on attend 36 heures, 48 heures, et puis petit à petit, finalement, tout allait bien, donc on a laissé passer 15 jours. Et puis en discutant à la suite de ces 15 jours avec ma sage-femme et mon gynécologue, en fait... j'avais oublié de parler d'un détail, c'est-à-dire qu'après avoir perdu ce liquide lorsque j'étais chez moi, j'avais pris mon autre enfant dans les bras, j'avais joué avec elle, bon, malgré mon stress, et mon gynéco m'a dit, mais attendez, si c'était vraiment une rupture de la poche des os, vous auriez tout perdu tout de suite, alors que là, c'était vraiment juste un petit peu de liquide. Vous étiez peut-être une femme fontaine, finalement. Non, alors, oui, un petit peu, ça c'est sûr, mais il s'est avéré que finalement, c'était du sperme. En parlant ensuite avec mon gynécologue. Donc, toute cette inquiétude Bravo, oui. Voilà. Mais je tenais à signaler parce que, bon, parfois, et mon gynécologue n'y a pas pensé tout de suite. Et pourtant, vous aviez bien signalé que c'était après un rapport sexuel. Oui, j'avais même ramené bêtement, j'avais pris ma petite culotte avec moi pour être sûre qu'on ait un petit peu de ce liquide. Enfin bon, mais ça n'avait intéressé personne sur le moment. Et la sage-femme était tellement persuadée que c'était du liquide amniotique, que c'était fini. Enfin bon. Voilà. Oui. C'est intéressant ce que vous dites parce qu'en effet, parfois, il peut y avoir un peu de saignement, un peu. C'est vrai que forcément, on va s'inquiéter tout de suite. Et si en plus, on a le corps médical qui ne nous rassure pas, ça prend des proportions. Ben voilà, évidemment. Mais j'ai eu de la chance que le gynécologue nous laisse un petit peu de temps et ce temps a fait qu'après, on a pu se rendre compte de ça. Et je voulais vous dire autre chose, Brigitte, et surtout pour vos auditrices, parce que je vous écoute souvent. Et j'entends souvent des auditrices qui sont très inquiètes, justement, après avoir eu des enfants, une ou deux grossesses, d'avoir une baisse de libido. Mmh. Et j'ai vécu ça. Jusqu'à il y a quelques mois. J'étais vraiment très inquiète. Mon mari aussi, il se demandait si je l'aimais encore. Je le repoussais. J'avais comme ça des vagues. De temps en temps, j'avais envie, mais ça durait 2 jours. Et puis après, pendant un mois, j'avais plus très envie. Je me forçais un petit peu pour lui faire plaisir, mais bon. Et donc, ça a duré peut-être quand même 3-4 ans. Ça fait 8 ans qu'on est mariés maintenant. Et là, depuis quelques mois, grâce un petit peu à vous, Brigitte, parce qu'on vous écoute tous les deux avec mon mari, d'ailleurs, je sais qu'il m'écoute en ce moment, on s'est un petit peu, comment dirais-je, extériorisés tous les deux. Enfin, je ne sais pas comment dire. Mais moi, j'ai essayé de faire un effort. Vous avez communiqué sur un autre plan, peut-être, hein. Peut-être. Oui. Et puis on parlait de ce qu'on entendait chez vous et tout ça. Et moi, ça m'a peut-être libérée quelque part, je ne sais pas. Mais j'ai voulu faire en sorte que ça remarche. Après, ça fait quand même 2 ans que j'ai eu mon dernier. Et j'ai acheté, en vous écoutant, j'ai acheté des petites tenues un peu coquines qui changeaient un peu de l'ordinaire. Et ça a fonctionné super bien. On a fait des massages, j'ai massé mon mari. Et même sans avoir envie, vraiment au départ, de faire l'amour avec mon mari tout de suite. Le fait de le masser, de voir son excitation provoquée par mes massages, petit à petit, c'est revenu, quoi, petit à petit. Et là, en ce moment, alors je ne sais pas si ça va durer, je croise les doigts, mais en ce moment, ça fait peut-être 5-6 mois que c'est encore mieux qu'au début, quoi. Bah écoutez, Charlotte, déjà, je vais vous envoyer la crème de massage de chez Felinea.fr parce que je trouve que votre témoignage le mérite et ça me fait plaisir de vous l'offrir. Et puis surtout, je voudrais souligner ce que vous avez dit tout à l'heure dans votre témoignage qui m'a énormément touchée. Et je trouve que tous les couples qui attendent en ce moment un enfant devraient réécouter votre témoignage rien que pour ça. Vous avez dit à plusieurs reprises « notre grossesse ». Et ça, c'est extraordinaire parce que ce n'est pas votre grossesse, c'est la grossesse du couple. Et l'utilisation de ce mot « notre » au lieu de « ma grossesse », hein, diraient beaucoup de femmes, prouve bien que vous avez fait un enfant ensemble. Et ça, c'est formidable. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup. C'est moi, Charlotte. Parce que vous nous apportez énormément. C'est fou, mais c'est vrai que... ça change un petit peu, ça nous a changé un petit peu, je pense. Je suis ravie, et puis je crois que c'est vrai que le désir, c'est pas quelque chose qu'on a définitivement. Il faut un peu y travailler, mais il faut pas s'inquiéter. Non, c'est pas évident. Vous savez, je suis d'accord avec vous. Hein. Moi aussi, j'ai parfois ces problèmes de manque de désir, et c'est si on fait rien, et ça revient pas comme ça. C'est vrai. Il faut se forcer un petit peu. Exactement. Et si ça revient, j'en suis la preuve. J'espère que ça va durer. Bon, écoutez, vous masserez votre mari en pensant à moi la prochaine fois. D'accord. Merci. Je vous embrasse, Charlotte. Au revoir. Au revoir. Nous sommes avec Claude maintenant. Bonjour, Claude. Oui, bonjour. Vous êtes toute jeune et vous êtes déjà femme fontaine. Bravo. Merci. Écoutez, si j'avais pu ne pas l'être, ça serait bien. Ah bon, mais pourquoi comment? Pourquoi ça vous gêne un peu? Oui, un peu quand même. En fait, donc je ne l'étais pas du tout. Bon, j'ai été précoce. J'ai eu un petit ami à partir de 13 ans. Ça a duré 5 ans jusqu'à mes 18 ans. Et j'ai fait l'amour avec lui par curiosité et puis par amour pour lui. Parce que quelque part, c'est avec du recul que j'ai réalisé que je n'étais pas prête. Et puis donc, en l'ayant quitté, donc grande liberté, j'ai perdu beaucoup de poids. Et puis aussi, je pense que... le fait d'avoir accepté que mon papa, en fait, ne s'occupait pas trop de moi et de mes sœurs, et que j'avais un beau-père qui était quand même, qui est mon papa, en fait, de cœur formidable, je me suis lâchée. Et en fait, même physiquement, je crois que... Donc quand j'ai des rapports, depuis cette période-là, depuis mes 18 ans, je me sens mieux. Mais après, bon, au niveau des rapports, c'est plus abondant. Mmh. Vous avez une lubrification telle que, en effet, on peut considérer que vous êtes une femme fontaine. Hein, oui, mmh. Oui. Donc en fait, donc je vous ai appelé parce qu'en fait avant-hier, non, c'était hier, un monsieur disait que il était un peu, même il l'a dit, dégoûté donc de sa femme, que au point d'aller voir des maîtresses. Bon, je ne juge pas, mais c'est vrai que ça m'a fait de la peine pour sa femme. Et puis donc j'ai un petit ami moi qui on en a parlé et c'est vrai qu'il m'a dit que ça le gênait pas, que c'est comme ça, et donc on s'adapte. Donc on a tous les deux notre boîte de mouchoirs sur la table de nuit et c'est vrai que ben on fait avec. Donc c'est vrai que c'est pas au niveau du rapport, c'est pas comme dans les films où on s'embrasse et puis ça s'arrête plus, il y a des pauses où bon ben on est obligé de s'essuyer. Voilà. Donc c'est vrai que oui, par rapport à ça, c'est très très gênant. C'est, ça coupe un peu, mais on s'est habitué, donc du coup on fait comme si de rien et on repart voilà. Donc je voulais dire que bon, bah, c'était pas, quand on s'aime on ne compte pas, et puis chacun a ses petits soucis quelque part, donc Oui, mais en même temps je comprends bien, hein, parfois ça mouille, hein, tout simplement, mais en même temps c'est un liquide qui ne tache pas, qui est tout à fait sain, quoi, je veux dire. Il faut, oui. faut prendre, oui, ça aussi comme une source de jouvence. Non, mais c'est vrai que ça casse un peu au niveau de la sexualité. Une fois que je ressens quasiment plus rien, et lui non plus. Mmh. On est obligé de s'essuyer pour que ça soit moins... Ça glisse moins, ça glisse oui, trop. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il sent plus grand-chose et vous non plus. Oui. Et non, moi je sens absolument rien quasiment. Donc c'est vrai que rien... Enfin, c'est pour ça que des fois ça m'agace, honnêtement ça m'agace, que des fois j'ai envie de lui, j'ai envie que ça ne s'arrête pas, et c'est pénible de devoir tendre la main, on se file chacun notre mouchoir, on s'essuie et puis hop on se rembrasse et puis c'est reparti. Donc c'est vrai que si j'avais pu éviter d'avoir ce problème là j'en serais ravie, mais c'est vrai qu'en même temps on fait avec et il y a des techniques et puis voilà, ça cache, enfin, on prend quand même du plaisir tous les deux. Donc, je voulais rassurer ces femmes-là que bon, bah, il faut forcément que le partenaire soit compréhensif. Et puis à partir de là, je pense qu'il ne devrait pas y avoir de problème. Bon, de toute façon, c'est un phénomène qui existe chez certaines femmes, qui est tout à fait naturel et qui a rien d'extravagant. Mais en même temps, c'est vrai que ça peut, pour certains hommes, ça peut être particulièrement curieux, oui, gênant. C'est voilà, vous avez de la chance que votre compagnon prenne ça avec plaisir. Mais encore une fois, je le répète, c'est une preuve de lâcher prise. Vous l'avez dit, hein, je me suis lâchée. Oui. Et puis de plaisir et de jouissance. Hein. Alors des fois, quand on commence, j'essaye de ne pas m'exciter de suite, de me retenir, de faire comme si ça me faisait rien pour d'éviter ça. Donc c'est vrai qu'après, au bout d'un moment, j'en peux plus, je craque. Et même quand je me retiens, j'y arrive. J'arrive à contrôler, ça se contrôle entre guillemets quand même. Hein. Mm-hmm. Mais au bout d'un moment, on ne contrôle plus et ça, c'est parti. Mais moi, par contre, la question que je voulais vous poser, c'est il n'y a aucune solution à ça, pour il n'y a pas des choses qui sèchent un peu ou qui il n'y a pas. Alors, écoutez, on va poser la question à David Elia, qui est gynécologue et qui va pouvoir évidemment vous donner une réponse médicale. Est-ce que vous avez, par exemple, essayé d'introduire une éponge végétale avant le rapport, qui peut absorber une partie du liquide, mais encore une fois, ça n'absorbera pas tout, quoi. C'est une. Parce que moi, avant le rapport, enfin, tout va bien. C'est vraiment au moment où. Oui, mais c'est, vous savez, l'avantage d'une éponge végétale, c'est que d'abord, qu'il soit évidemment stérile, c'est qu'elle va absorber une quantité de liquide et qui pourrait peut-être faire la jonction entre le supportable et l'insupportable. En tout cas, c'est une technique mécanique que je vous donne. Et puis, on va accueillir dans un instant David Elia et on verra s'il a quelque chose aussi qui peut vous aider, Claude. Vous restez avec nous, on vous retrouve dans un instant et nous accueillons bien sûr David Elia. Et puis je crois qu'il y a Yannick aussi qui veut réagir sur ce sujet, sur les femmes fontaines. Alors quand on me dit qu'il n'y a même pas 5% de femmes fontaines, moi j'ai du mal à y croire parce que nous en avons eu depuis lundi des auditrices qui sont fontaines. À tout de suite. RMC, Brigitte Lahaye, La Haye, l'amour et vous. Eh bien, nous avons David Elia qui est entré dans le studio. Bonjour David. Bonjour. Vous êtes gynécologue. Alors, on parle beaucoup cette semaine des femmes fontaines, et tant mieux parce que ça concerne, à mon avis, plus de femmes qu'on ne le dit. Vous avez entendu le témoignage de Claude, elle est toute jeune, elle a 23 ans. Et est-ce qu'il y a une solution sur le plan gynécologique pour diminuer ces jets? La lubrification vaginale, c'est un phénomène réflexe. Hein. C'est l'équivalent chez la femme de l'érection chez l'homme. Donc on ne peut pas dire je veux en faire moins, je veux en faire plus. Si on n'en a pas du tout, on n'en fait pas plus parce qu'on veut en faire plus. Diminuer, il n'y a qu'un seul système, c'est celui que vous avez donné, qui me paraît tout à fait intelligent. J'entendais que vous disiez stérile, donc disons propre. Hein. Le oui. Vagin est très résistant, il faut mettre des choses propres. On met bien les doigts dans le vagin, on met bien la langue, donc si vous voulez, on met des tas de germes. Bon, disons qu'il faut quelque chose de propre. Et par exemple, quand on utilisait beaucoup les diaphragmes, par exemple, en ce qui concerne cette propreté, on ne disait pas à nos patients de mettre des diaphragmes stériles, on leur mettait de mettre des diaphragmes qu'elles avaient bien lavés à l'eau et au savon. Sinon, il y a la pilule chez certaines femmes qui va leur sauver un peu la mise parce que la pilule inhibe, entre autres actions, la sécrétion de la glaire ovulatoire, de la glaire fabriquée par le col de l'utérus entre le 10e et le 16e jour du cycle et qui participe de cette lubrification. Je pense qu'il faut aussi dire que c'est pas si catastrophique que ça et que il faut peut-être au contraire être heureux parce que l'inverse est tout à fait dramatique. Par contre, la sécheresse vaginale, qu'on ait 20 ans, 30 ans, 50 ou 70, ça fait mal, ça empêche les rapports, c'est une véritable catastrophe. Oui, et si on fait la comparaison avec l'érection, il vaut mieux une érection trop forte que pas assez forte. Donc... mais là aussi, les hommes parfois sont... Oh, ils sont jamais inquiets d'avoir une érection trop forte, mais c'est parfois leur partenaire qui sont inquiètes, voire même qui ont mal parce que c'est trop fort. RMC Brigitte Lahaye, Actu 7. Eh bien, j'ai envie de vous parler d'un vernissage qui a lieu demain parce que je trouve que c'est des tableaux qui sont assez étonnants. Ça me rappelle un petit peu l'époque de Dali. Et pour vous en parler, nous sommes avec Patrick Frémaux qui est avec nous sur RMC. Patrick Frémaux, bonjour. Bonjour. Alors, c'est une expo surréaliste que vous avez surnommée Coxigrue. Pourquoi ce nom ? Alors les coxigrues étaient des animaux imaginaires, des chimères, ça renvoyait à l'impossibilité, à des choses qui ne pouvaient pas exister. Et donc Chica, qui est un des derniers grands peintres surréalistes du XXe siècle, a voulu dans cette exposition présenter un certain nombre d'œuvres extrêmement figuratives qui renvoyaient à ce concept de coxigrues, c'est-à-dire des animaux qui n'existent pas. Oui, qui sont en même temps pas loin de la femme, hein, certaines fois, parce que je vois des seins, des fesses, des choses un peu... voilà. Vous trouvez pas qu'il y a un petit air de Salvador Dali dans ces dessins ? Alors, Salvador Dali a été un des plus grands promoteurs du surréalisme. Bien sûr, oui. Mais il y a eu Max Ernst aussi, Et puis, le surréalisme existe en fait depuis la nuit des temps. Jérôme Bosch, par exemple, était un grand peintre surréaliste, même si ça remonte à près de 1000 ans. Donc, Chica fait partie de ces artistes qui continuent cet héritage, une peinture très figurative, mais qui représente des choses qui ne sont pas dans le monde du réel. Voilà, bon, en tout cas, moi, ça me plaît beaucoup et je propose aux auditeurs éventuellement d'aller voir cette expo. C'est donc demain, vendredi, de 18h à 21h30, hein, le vernissage, oui. En tout cas, puisque l'exposition va durer jusqu'au 31 octobre. Et vous pouvez nous donner l'adresse, peut-être ? Oui, donc c'est à Vincennes, juste à côté du métro Château de Vincennes et du RER Vincennes, au 20 rue Robert Girodino. Voilà, et on retrouvera tout ça bien sûr sur le blog pour ceux que ça intéresse. Et puis, si vous êtes sage, on vous mettra peut-être une des peintures sur le blog également. Merci Patrick Frémaux, et puis bon vernissage. Au revoir. On continue. RMC, Brigitte Lahaye, La Haye, l'amour et vous. Et on continue avec Yannick. Bonjour Yannick. Oui, bonjour Brigitte, et merci d'aborder ce sujet parce que moi j'ai 52 ans, alors c'est pas du tout le même âge que Claude, et j'ai le même souci, et c'est la première fois en fait avec ce partenaire que j'ai ce genre de souci. Et lui, ça le perturbe, certainement plus que moi aussi, parce que finalement je suis comme Claude, je ne ressens rien à lui non plus. Alors évidemment, on change de position, ce qui est bien. Simplement, on n'a pas le même âge. Lui, il a 58 ans, donc il a un petit peu après des problèmes de bandaison, si je puis m'exprimer ainsi. Ce qui fait que, en fait, ça nous perturbe tous les deux, alors qu'il devrait être flatté, comme disait le docteur gynécologue. Et moi, pas du tout. Je trouve que, en fait, j'attends la ménopause. Alors, je vais vous faire sourire tous les deux. Mais franchement, je me dis que être moins bien lubrifié, je l'attends. Et comme je dis 52 ans, je devrais être ménopausable. Et franchement, je l'attends avec grand plaisir, oui, contrairement à beaucoup de femmes. Oui, voilà. Mais vous savez, on dit que c'est formidable parce qu'il vaut mieux prendre le côté positif des choses. Et en même temps, je comprends que ça puisse par moments être un peu gênant. Vous avez essayé ce qu'on suggérait tout à l'heure, de mettre une éponge. Ça, j'avais pas essayé. Alors sinon, bon, terminons le vrai, hein, pour être franche. Et sinon, je vous ai cité justement en lui disant que ça pourrait être bien. Donc, il reconnaît qu'effectivement, ça le flatte. Mais enfin, ça n'empêche que par rapport à d'autres partenaires que j'ai eus, je trouve ça moins agréable que quand j'étais effectivement avant sous pilule et que j'avais pas ce problème. Alors, je ne sais pas si c'est le nouveau partenaire, en fait, qui me fait cet effet-là, ou si c'est simplement aussi que j'ai arrêté la pilule. En tout cas, voilà. Il faut lui dire que c'est lui. Ça va déjà simplifier les choses dans vos rapports. Oui, ça peut les gâcher aussi, parce que si je lui dis, attendez, c'est votre virilité, c'est ta virilité qui est un peu moins, qui peut être mise en cause, je ne sais pas s'il sera très... Toute façon, on l'a dit et on le répète, c'est un plus, hein, c'est le signe d'un vrai lâcher-prise, d'une véritable épanouissement dans son corps. Hein, David Elia. Moi, je pense que vous avez... vous savez, vous attendez la ménopause. je crois que c'est une boutade parce que la ménopause, ça s'accompagne quand même de nombreux symptômes, souvent, enfin pas toujours, mais souvent tout à fait désagréables et qui empêchent de mener une vie normale. Et en ce qui concerne la sécheresse vaginale, je voudrais pas vous décevoir, mais c'est un signe relativement tardif. Hein, c'est-à-dire qu'il faut 1 an, 2 ans de ménopause souvent pour que ce signe finisse par arriver. Donc vous avez encore du temps. Oui, mais alors, est-ce que vous ne croyez pas justement que souvent on a un peu la ménopause qu'on désire? Parce que moi, j'ai quand même l'impression autour de moi, avec des amis qui sont de mon âge, que finalement, elles arrivent à avoir la ménopause. Quand elles ont désiré cette ménopause, j'ai l'impression qu'on la vit mieux. Alors peut-être que je suis très naïve. Ah, certainement, vous avez entièrement raison. Vous savez, on va prendre Charlette qui a 5 bouffées de chaleur, puis on va prendre Martine qui a 5 bouffées de chaleur. Et puis Charlette, elle va dire, moi, ça ne me gêne pas du tout. Franchement, j'y passe pas mon 4 heures. Et l'autre va dire, mais c'est épouvantable, ma vie est foutue. Donc c'est comme vous le ressentez, et chacune, évidemment, va aborder face aux mêmes symptômes, va vivre quelque chose de négatif ou de positif, ou en tout cas d'indifférent. J'ai beaucoup de patientes qui ont plein de bouffées de chaleur qui vont plutôt bien, d'autres qui en ont 2 ou 3, mais qui disent que la terre a basculé. Oui, et puis la sexualité, si elle va bien au moment où arrive la ménopause, elle continue à aller bien. Je veux dire, c'est assez rare que la ménopause transforme totalement la sexualité d'une femme. Maintenant, si la femme a déjà plus très envie, si elle est déjà en train d'avoir des migraines de plus en plus fréquentes pour prétexter le non-rapport, la ménopause, c'est une opportunité extraordinaire. C'est un moment, cela dit, fragile, 50-60 ans pour la sexualité, mais la dernière enquête qui a été faite en France, qui date de 1 an environ, montre au contraire que les femmes de 50-60 ans ont beaucoup plus de rapports, ont bien plus de sexualité positive que c'était le cas auparavant. Il faut dire aussi que ce sont les baby-boomers, c'est-à-dire les femmes qui ont tout inventé sur leur route depuis 1965-70, qui arrivent donc dans cet âge. Alors donc, il faut rester optimiste, mais c'est vrai que la seule chose qui peut empêcher, il y a plusieurs choses qui peuvent embêter une femme au moment de la ménopause et du désir sexuel, ce sont des problèmes hormonaux, et que ces problèmes hormonaux sont facilement solvables par le médecin lorsque vous allez le voir pour lui dire, j'ai une sécheresse vaginale, qu'est-ce qu'il faut faire, ou pour lui dire, écoutez, j'ai plus très envie, je me sens pas bien, bon. Donc il y a des solutions, et c'est probablement parce qu'elles sont utilisées qu'il y a de plus en plus de femmes qui, même après la ménopause, de plus en plus, qui continuent d'avoir une sexualité tout à fait sympathique. Bon, en tout cas, Yannick, pour l'instant, bah, il faut faire avec. Hein. Oui, bah, en tout cas, je vous remercie. Pour non, mais la petite éponge, j'ai essayé la petite éponge. Mais le problème, c'est qu'il faudra la récupérer. Elle sera bien voilà. Au fond du vagin. Ah, oui. Il faudra bien s'accroupir. Il faudra bien raccourcir le vagin en s'accroupissant, d'accord. En mettant un pied sur le bidet ou la salle de bain. Et avec un doigt encroché, aller la chercher. Ce n'est pas forcément évident. Hein. D'accord. Bah, écoute, en tout cas, merci beaucoup d'avoir abordé ce souci ou ce problème. Ou en tout cas, cette chance aussi, finalement. Voilà. Exactement, cette chance. Merci d'avoir réagi, Yannick. Merci, au revoir. Au revoir. Je vous propose maintenant, David et Léa, d'écouter notre love story. C'est Sophie. Vous allez entendre son témoignage, puis vous donnerez votre avis tout de suite après. Je suis mariée depuis 11 ans et tout se passait très bien. Il y a un mois, mon mari s'est éloigné de moi, je ne savais pas pourquoi. Et en fait, il m'a trompée et je l'ai découvert moi-même. J'ai retrouvé dans ses emails, enfin dans son historique d'ordinateur, des messages virtuels. Je l'ai appelé, il ne voulait pas me répondre. Et en fait, il m'a dit, c'est une personne que j'ai rencontrée il y a un mois. Et j'ai dit, se passe quoi? Qu'est-ce que tu fais et tout? Il me dit, il n'y a rien. Il me dit, est-ce que vous allez coucher ensemble? Non, non. Je lui ai dit, donne-moi son numéro de téléphone. Et donc, je l'ai eu. Je lui ai demandé, qu'est-ce qui se passe avec mon mari, tout ça. Ben, il m'a dit, il m'aime. Voilà. Et je lui dis, est-ce que vous avez couché ensemble? Et elle me dit oui, hier soir. Il m'a avoué certaines choses. En fait, je m'aperçois qu'il était perdu. Ce qui était étonnant, c'est qu'on était quand même des personnes qui communiquaient beaucoup. Et puis, il s'est replié sur lui-même. RMC, Brigitte Lahaie, La Haye, l'amour et vous. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à Sophie? Bah, c'est pas évident. Hein. Monsieur... Monsieur a un petit coup de bambou sur la tête. Il a un coup de feu, quoi. Et... Bah, de toute façon, ou bien c'est la fin du couple, ou bien c'est le deuil de cette relation que cet homme devra faire avec cette relation récente, et puis renforcer le couple avec les blessures que cela aura occasionnées. Il n'y a pas 36 solutions. Il faut en parler avec lui, et surtout prendre la mesure, si tant est que lui-même sache quelle est la mesure de l'importance de cette liaison. Est-ce que c'est un petit coup de passage, ou est-ce que c'est véritablement le révélateur d'une grande cassure? Son couple, évidemment, est là dans une situation critique, mais pas désespérée. En tout cas, je le rappelle, hein, si vous avez besoin d'un conseil ou besoin de parler, à tout instant, vous pouvez contacter l'équipe de thérapeutes pour une consultation téléphonique privée. Il vous suffit d'appeler le 3216 et puis vous appuyez sur la touche 5 et on vous mettra en relation avec quelqu'un. On continue avec Carole qui est avec nous. Bonjour Carole. Bonjour Brigitte. D'abord, je voulais vous féliciter pour votre émission que je connais depuis pas très longtemps, mais que j'apprécie beaucoup. Bah, c'est gentil de nous avoir rejoints. Malheureusement, je ne peux pas écouter tous les jours, mais j'en profite en ce moment. Bon, bah, tant mieux. Vous attendez un bébé en ce moment? Non, moi, ça y est, c'est ça fait. Mon fils va avoir 3 ans au mois de décembre. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'au début de ma grossesse, on ne se rend pas tellement compte, en fait. Hein. C'est un peu comme avant. Bon, on est content, bien sûr. Hein, un bébé va venir, mais ça ne change pas tellement grand-chose. Les 3 premiers mois, oui. Voilà, les 3 premiers mois. Bon, après, quand on commence à sentir le bébé, déjà, c'est un peu différent. On a un petit peu l'impression qu'il y a un intrus entre nous. Et puis moi, bon, bah, j'ai eu des problèmes pendant les 2 derniers trimestres de ma grossesse, j'ai eu des mycoses. Donc j'avais aucune possibilité d'avoir des rapports, j'avais l'impression qu'on m'enfonçait un poignard dans le vagin. Mmh. Oui, ouais, je crois qu'on a perdu Carole, on va essayer de la retrouver. Donc oui, évidemment, dès qu'il y a douleur, hein, là on peut comprendre que ça suspend les... La mycose, hein, je rappelle à ceux qui nous écoutent que c'est des champignons et que c'est pas grave du tout, mais ça peut faire un mal de chien, comme elle a dit, un poignard dans le vagin, c'est vraiment ce que disent souvent les femmes. Puisque la vulve est irritée, inflammatoire, elle gonfle, le vagin ne lubrifie absolument plus. Et au contraire, il est extrêmement sensible, donc toute pénétration s'avère impossible, en tout cas si elle est possible, extrêmement douloureuse. Ce qui m'étonne, c'est qu'il y a des traitements, même pendant la grossesse, il y a des ovules à prendre pour essayer d'améliorer les choses. Oui, surtout que deux trimestres, si je calcule bien, ça fait six mois, c'est énorme. C'est énorme, oui, bien sûr. Mais c'est vrai que la grossesse est une des situations qui favorise les mycoses. Oui. Les antibiotiques favorisent la mycose, l'humidité, la moiteur favorisent la mycose et la grossesse aussi. Bon, on va peut-être essayer de la retrouver, puis sinon, bah, tant pis. De toute façon, elle est là, je crois. Vous êtes là, Carole? Oui, voilà. Oui, je vous a retrouvé. On vous a retrouvé. Oui, donc vous disiez que vous n'avez pas pu être soignée de ces mycoses. J'ai eu des traitements pendant toute la fin de ma grossesse, des ovules, et il n'y avait rien à faire. À chaque fois, j'allais en visite tous les mois à l'hôpital parce que j'ai des petits problèmes de poids, donc j'étais assez surveillée. Et à chaque fois, bah, la mycose était toujours là. Alors, ça partait un peu, hein, ça s'arrangeait un peu, et puis ça revenait de plus belle, quoi. Donc, j'ai été traitée comme ça pendant tous les deux derniers trimestres de ma grossesse. Et donc, vous avez suspendu vos rapports sexuels les 6 derniers mois, donc. Voilà, on a suspendu les 6 derniers mois. Ça s'est prolongé au-delà de mon accouchement. J'en ai eu encore des mycoses, encore après. Et puis, bon, bah, quand ça s'est terminé... Heureusement, pour reprendre après des rapports, c'est difficile, quoi, parce qu'on a le souci du bébé qui est là, et c'est vrai que la libido, elle est un petit peu partie, et pour la retrouver, c'est pas évident, et ça fait quand même bientôt 3 ans, et on a quand même encore du mal à se retrouver, hein, c'est pas facile. Bon, vous avez entendu le premier témoignage de Charlotte, hein, il faut pas désespérer. Oui, oui. Non, il ne faut pas désespérer. C'est vrai que bon, je prends souvent un peu sur moi et je me force un peu. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte que finalement, moins on fait l'amour et moins on en a envie. Mais ça, c'est vrai. Oui. Hein, et c'est quand même un peu dommage parce que bon... Eh oui, mais c'est pour ça qu'il ne faut, faut pas baisser les bras et il faut essayer de retrouver des motivations. Et je crois que la motivation, elle est extérieur, c'est pas uniquement l'acte sexuel, c'est autre chose, c'est tout un style de vie, une philosophie de vie presque. Hein. Mais oui, c'est vrai oui. que c'est pas facile parce qu'en plus on est tous pris par la vie quotidienne, nos emplois du temps. Et... Il faut dire que la grossesse, d'une manière générale, et surtout l'accouchement dont on va sûrement parler pendant ces 2 heures, est vraiment un événement anti-amour. C'est un challenge qui est donné au couple, aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Puisque, comme vous l'avez parfaitement dit, entre autres raisons, il y a bah, le bébé qui vous prend la tête, la fatigue, le corps qui n'est plus comme avant. Enfin bon, il y a toutes sortes de raisons qui font que sexuellement, c'est un petit peu mis au rancard, quoi. On s'occupe d'abord du bébé, on s'occupe de se retrouver, d'essayer de se retrouver. Ce bébé pose mille et un problèmes, tous très solubles, bien sûr, mais enfin, il faut s'en occuper quasiment nuit et jour. Et oui, d'autant qu'en plus, après 6 mois d'abstinence forcée, ça n'arrange pas les choses. C'est pas de chance, la mycose. Oui. Là, dans cette affaire-là, la mycose n'est pas de chance. De toute façon, c'est pas de chance d'une manière générale, parce qu'il y a des tas de femmes qui ont des mycoses dans la grossesse et qui aussi n'ont pas de chance. Merci, Carole, de votre appel. On se retrouve dans un instant avec notre coquine du jour. Ce sera Cléa, à tout de suite. RMC à Calvi sur 102.1, à Propriano sur 106.9, à Porto Vecchio sur 90.2. Mais tout de suite, nous allons du côté d'RMC.fr avec ce mail de Jeanne qui dit « Je voudrais savoir quels sont les risques de ménopause précoce qui sont donc liés au stérilet hormonal et à la ligature des trompes. Je suis âgée de 41 ans actuellement, je suis sous contraceptif stérilet hormonal. Je n'ai pas de règles depuis 5 ans et je voulais savoir si c'était préférable de faire une ligature des trompes ou remplacer le stérilet hormonal. Quels sont les risques sur ma libido ? Je pense notamment à l'ostéoporose. » Merci de transmettre ma question à votre spécialiste. Voilà, alors c'est un peu compliqué hein, quand non, même. Ça là, va. Non ça, ça va veut dire que le stérilet, il s'appelle Mirena, il n'y en a qu'un de toute façon, qui délivre la progestérone, effectivement, fait disparaître les règles d'une bonne moitié des femmes qui portent ce style de stérilet. Et d'ailleurs, c'est une des raisons qui fait que ce stérilet est intéressant, puisque beaucoup de femmes ont des règles trop abondantes avec les stérilets classiques ou n'ont plus envie d'avoir leurs règles par simple convenance. Ce n'est pas une ménopause. Elles n'ont pas de règles, mais ce n'est pas une ménopause. La ménopause, c'est les ovaires qui s'arrêtent. Avec ce stérilet, les ovaires ne s'arrêtent absolument pas. Donc il n'y a pas de risque d'ostéoporose, il n'y a pas de risque de vieillissement prématuré, il n'y a pas de risque de bouffée de chaleur, qu'elle n'a pas d'ailleurs, parce qu'elle n'en a pas parlé. Et je dirais que si par contre elle veut avoir ses règles parce que ça lui fait plaisir, et pourquoi pas, eh bien il faut changer de stérilet, il faut prendre un stérilet qui ne délivre pas de progestérone, il y en a encore, et elle aura ses règles tous les mois, et elle aura de toute façon, dans tous les cas, sa ménopause à l'heure dite. Il ne me semble pas en tout cas que c'est une bonne raison pour aller sur la stérilisation, qui est un acte chirurgical, la plupart du temps, parce que maintenant il y a des méthodes ambulatoires qui sont en train d'arriver, mais ça ne me semble pas une bonne raison. Je crois qu'il faut en discuter avec son gynéco et ne pas considérer l'absence d'oreille depuis 5 ans. D'ailleurs, au bout de 5 ans, c'est le moment de changer, hein, parce que c'est stérilé, c'est au bout de 5 ans qu'il faut changer. Donc vous retournez chez votre gynéco, vous lui en parlez, et pourquoi pas, si vous êtes ravi du stérilé, bah, mettre un stérilé qui ne donne pas de progestérone, ou alors un stérilé avec progestérone de nouveau pour 5 ans. RMC, Brigitte Lahaye, La Haye, l'amour et vous. Eh bien, c'est le moment que les esprits chastes changent ou baissent le son de la radio parce que c'est Cléa, notre coquine du jour, et à mon avis, ça va en faire rougir certains. Bonjour Cléa. Bonjour Brigitte. Bonjour, eh bien je vous écoute, on vous écoute, nous sommes suspendus à vos lèvres. Alors on a dit coquine, moi je la trouve assez érotique, c'est vrai ma petite histoire. En fait, je crois que c'est le plus beau moment que j'ai vécu et c'est pas une histoire d'amour, c'est une histoire de rencontre complètement étonnante parce que je suis partie un soir à une fête qui m'ennuyait prodigieusement, mais j'avais juste envie de voir du monde et puis j'y croyais pas trop, je suis sortie. C'est une boîte où je vais d'habitude, où je connais un peu tout le monde. Et parce que partout où il y avait la fête, ben, il y avait des gens qui n'étaient pas déshabitués, et j'ai commencé de danser, et puis je me suis fait approcher par deux hommes qui étaient charmants, pas des hommes que j'aurais vus comme ça seuls, mais ils étaient étonnants, ils dansaient, ils étaient drôles, et puis il y en avait deux, et ils étaient charmants tous les deux, et ils n'avaient pas l'air de vraiment me draguer, mais ils étaient quand même assez agréables, et puis on a dansé, après la boîte elle était pas géniale avec tout le monde qui avait dehors, on a décidé aussi d'aller faire un tour à la fête. Et puis une fois qu'on a fait notre tour à la fête, c'était ce que je pensais, une grande fête du vin où tout le monde était tellement éméché que c'était vraiment pas intéressant. Et puis ces deux hommes étaient venus en bateau et ils m'ont proposé un dernier verre sur le bateau et puis waouh, c'était la fête, on y allait. Mais oui, et c'était le bateau ivre alors. Ah, bah, il tanguait pas mal. Et puis, bon, bah, j'avais pas vraiment la tenue bateau. J'étais en petit tailleur talon aiguille. J'ai la chance de savoir ce qu'est un bateau et d'avoir le pied marin parce qu'il fallait tout enjamber, passer par le petit you-you de service qui, alors, la tanguait vraiment très méchamment. Et on s'est retrouvés les trois dans le bateau. Boire un verre, bah, évidemment, on a continué. Et il y en a un des deux qui est parti, il est allé dans la cabine, je ne sais pas bien ce qu'il allait y faire, mais enfin, il m'a laissé seule avec le blond. Il y avait un blond et un brun. Et le blond, là, il a profité de ce temps-là pour m'entreprendre sérieusement. Puis, il me plaisait beaucoup. Pas que lui, mais enfin, il me plaisait. Et ben, on s'est embrassés. Et tandis qu'on s'embrassait, l'autre est ressorti de la cabine. Et c'était un moment bizarre parce que je ne me suis pas posé la question de qu'allait faire l'autre. Mais là, c'était une évidence que, en fait, ce soir-là, on le ferait à trois. Et ça a été, je crois, le plus beau moment que j'ai vécu parce que c'était complètement improvisé. Et pour eux et pour moi, c'était un beau cadeau de la vie. Et c'était d'autant plus improvisé que, je l'avoue, on n'y avait pas pensé, aucun des trois n'était équipé, si je puis dire. Donc, ça a été relativement léger au niveau physique. C'est pas une histoire de gymnastique folle qui fait que j'ai vécu des moments pas possibles parce que on a fait ça et ça et ça. C'est simplement que le climat était très, très, très chaud. Et que... Oui, c'est surtout l'inattendu de la situation qui vous a procuré une telle excitation, je suppose. Oui, et puis le fait qu'elle était partagée, il faut le dire, que pour les trois, c'était inattendu. Je pense que quand on a deux mecs qui partent, entre guillemets, chasser une femme, on le sent. Là, c'était vraiment la fête, c'était vraiment l'esprit, Oui, ils n'avaient pas préparé leur coup, comme vous dites. Exactement. Et ça a été fantastique. Eh bien, merci Cléa de nous avoir fait partager ce moment de bateau. Et merci à vous. Et puis je le rappelle, si vous aussi vous avez envie de raconter un petit exploit qui vous a particulièrement ému, on va dire ému, hein, eh bien vous n'hésitez pas, vous nous appelez au 3216. Et puis bien sûr, on se fera un plaisir de vous remercier en vous offrant des cadeaux. Merci Cléa. RMC Brigitte Lahaye, Love Conseil. Bien, j'ai choisi un love conseil adapté au sujet du jour, puisque je vais vous parler de la caresse de la verge. Parce que c'est vrai que lors de la grossesse, eh bien, il y a parfois une impossibilité de rapport sexuel, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut plus se faire des câlins. Et pour certaines femmes, eh bien, ce love conseil sera peut-être utile. Alors on est, c'est vrai, plus ou moins doué pour ça, hein, mais je crois que de temps en temps, un peu de technique, eh bien, ça rend meilleur. Je crois que c'est toujours important de savoir où mettre les doigts. Alors d'abord, tous les hommes ne fonctionnent pas de la même manière, mais il y a quand même quelques bases fondamentales. Donc je crois que ce qu'on peut rappeler, c'est que c'est le gland et surtout la face juste interne du gland, donc, qui est la partie la plus sensible. Et ce qui donne énormément de plaisir aux hommes, c'est la peau qui va coulisser justement sur ce gland. Donc attention, pas de contact trop sec, hein, donc n'hésitez pas éventuellement à mettre un peu de salive ou d'utiliser un lubrifiant. Et puis, il faut aussi demander à votre partenaire s'il aime. Hein. Je crois que les questions doivent être simples et les réponses aussi. Et puis, je crois qu'on peut aussi signaler la cravate de notaire. Hein. C'est donc une caresse entre les seins. Et puis, il y a une autre caresse qui est peut-être encore plus pratique pour des femmes qui sont un petit peu inhibées. Ce serait une caresse avec une serviette un peu humide, tiède, assez tiède. Vous savez, un peu comme ce qu'on a dans les restaurants chinois pour se laver les mains. Et là, à ce moment-là, vous avez un contact pratiquement, je dirais, anodin et qui peut parfois apporter beaucoup de plaisir. De même qu'il y a des huiles hein, qui glissent et qui donc apportent évidemment beaucoup de plaisir. Donc voilà, c'est juste un petit peu une question d'imagination et ça peut permettre comme ça de laisser le couple dans un rapport intime durant la grossesse si l'acte sexuel n'est plus possible. Je vous propose, vous voulez réagir, David Elia ? Oui, simplement quand même dire que l'immense majorité des femmes enceintes peuvent continuer d'avoir des rapports sexuels sans se méfier d'un quelconque effet négatif. C'est vraiment lorsque le médecin qui vous suit vous a dit, écoutez, là, la sexualité... Il n'a pas dit que la sexualité, en général, il vous dit, il faut rester chez vous, il faut arrêter de travailler. Pas de sport, vous ne descendez plus l'escalier, je veux que vous restiez dans une chaise longue ou dans le lit, et que vous ne bougez plus. Donc ça veut dire qu'en fait, il a peur de quoi ? Il a peur que votre col qui est en train de s'ouvrir ou qui a raccourci, eh bien, soit un petit peu plus stimulé à l'ouverture. Et donc à l'accouchement, après un rapport sexuel, surtout s'il est générateur de plaisir, comme on l'espère. Donc, mais ça, ce sont des situations relativement rares. On peut dire que pour les 90% des femmes, je suis peut-être un peu sévère encore, enceintes, il n'y aura pas de modification. La seule chose qu'on demande aux femmes enceintes en général, lorsqu'elles posent cette question, parce que vous la posez en consultation, c'est évident, on leur dit, écoutez, arrêtez. Si vous faites des acrobaties, si vous êtes vraiment la reine du Kama Sutra dans toutes les positions, pendue en l'air, en droit, bon, peut-être que vous allez mettre un petit peu de douceur là-dedans. Si vous êtes adepte du violent, c'est peut-être le moment de mettre un petit peu en sourdine cet aspect des choses et exploiter un autre aspect. Voilà. La seule chose qui nous intéresse, nous les médecins, c'est qu'il n'y ait pas de sollicitation violente, brutale du col utérin. Absolument. Alors pour revenir justement avec le premier témoignage de Charlotte qui parlait de ces pertes qui l'ont inquiété, parfois il y a aussi quelques saignements. Oui, alors, quand est-ce qu'il faut s'inquiéter ? Les saignements, c'est toujours inquiétant pendant une grossesse. Et effectivement, ça signifie soit des choses graves, c'est-à-dire une fausse couche avant 3 mois, soit un accouchement à 4 mois, 5 mois, ce qui est évidemment très grave, soit... Ça signifie rien, c'est-à-dire que c'est tout simplement un petit vaisseau du col utérin qui a saigné après une toilette, après un rapport, ou même parfois après rien du tout. En tout cas, c'est un symptôme qu'il faut certainement aller élucider avec son médecin, avec une échographie, avec un toucher vaginal, un examen gynécologique. Il faut savoir si on est dans le bénin, l'anodin, ou si on est dans le grave. Absolument. Nous faisons un petit tour du côté du chat maintenant. Sur rmc.fr, Brigitte, tous les chatteurs pensent qu'on peut avoir une sexualité épanouie durant la grossesse. Et les hommes vont jusqu'à me dire qu'une femme enceinte les excite parce que leur rondeur sensuelle se développe, la poitrine, le ventre. Coët Greg est persuadé que la libido de la femme enceinte augmente. Dans son cas, ça a même débloqué sa femme qui manquait un peu de désir auparavant. Et dès qu'elle est tombée enceinte, ça y est, elle avait une libido vraiment développée. Et sa libido a lui aussi augmenté toujours par cet effet de poitrine suropulente, me dit-il. Cédric Lille, lui, me parle qu'avec sa femme, il attendait des jumeaux. Ils ont mis 10 ans à les avoir. Donc, ils avaient tellement peur de perdre... 10 ans de grossesse ? Non, non. Non, pas 10 ans de grossesse. C'est des très gros jumeaux. Non, ils ont mis 10 ans à réussir à avoir J'avais des enfants. J'avais compris, bien sûr. Et du coup, ils avaient peur de perdre ces jumeaux, donc ils n'osaient plus faire l'amour. Et Cédric allait s'isoler pour se masturber dans un coin. Il y a Fleur de Lune aussi qui me dit que quand elle était enceinte, ils se masturbaient mutuellement, ils n'osaient pas faire l'amour. Donc David Elia, est-ce que c'est risqué de faire l'amour quand on attend un bébé ou plusieurs? Non, ce n'est pas risqué. Je dirais donc, je conclus sur ce que je disais auparavant, il n'y a pas de risque particulier à condition d'avoir une sexualité qui ne soit pas acrobatique et violente. Donc, ce qui est le fait de peu de couples finalement. Mais vous avez bien décrit la situation. Il y a ceux qui vont avoir, je dirais, qui vont y trouver un ingrédient à cette grossesse de plus pour les stimuler. Et c'est vrai que les seins d'une femme ne seront jamais aussi beaux en ce qui concerne les critères érotiques actuels que lors de la grossesse. Ils sont plus pleins, ils sont plus gros. L'aréole va augmenter de volume. Le téton va être beaucoup plus excitable. Une femme qui a des seins pas très sympas, pas très attractifs, va les avoir tout d'un coup extraordinairement attractifs. Donc c'est évident que ça aura un effet tout à fait extraordinaire sur le partenaire. Et puis vous avez décrit bien sûr ceux qui ont peur. Et ceux qui ont peur, je leur conseille, s'ils écoutent cette émission, d'aller demander à leur médecin s'ils ont raison d'avoir peur. Pour savoir s'ils sont dans une situation d'accouchement prématuré ou de fausse couche potentielle. Ou bien si finalement leur restriction... Oui, c'est leur fantasme. Oui, si leur restriction est inutile. Et puis, on parle aussi du fait qu'une femme enceinte s'embellit tout simplement tout au long de sa grossesse. Chris 69, lui, a massé beaucoup de femmes enceintes et il a remarqué que leur grain de peau changeait et devenait vraiment de plus en plus beau. Donc, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on devient plus beau, plus belle quand on est enceinte? C'est subjectif, peut-être. Alors, d'abord, je voudrais dire, vous savez, on a souvent dit qu'il n'y a qu'à regarder le visage d'une femme pour savoir si elle est enceinte parce qu'elle a, entre guillemets, un état de grâce qui ne peut y passer inaperçu. Cette grâce, moi je pense qu'il est tout simplement de façon très pragmatique dû à l'hydratation, à l'infiltration d'eau, de rétention d'eau qui est due à la grossesse aux hormones et qui donne, qui efface un peu les rides, qui arrondit les traits. Une femme est plus belle, certes, sur le plan de ses seins, comme je viens de le dire. Pour le reste, je dirais qu'elle est différente. Plus belle, non. Je ne voudrais surtout pas qu'on tombe dans le stéréotype de « les femmes sont faites pour ça, donc c'est vraiment le moment le plus beau de leur vie ». Non, il y a des femmes enceintes. Non, je crois qu'il faut le rappeler. Moi, je l'entends tous les jours. Il y a des couples qui, pendant la grossesse, n'ont plus envie de faire l'amour. Je crois que c'est pas... Il y a des femmes qui se trouvent moches. Hein. Oui, absolument. Je crois qu'il faut, rester Elles trouvent que leur ventre est gros et que c'est pas terrible et qu'elles ont bien envie de retrouver leurs fesses comme avant et leur ventre comme avant. Hein. Et puis j'ai demandé aux chatteurs quelles étaient les positions sexuelles les plus adaptées lors de la grossesse. Alors, bon, on les devine. Et puis les deux positions qui reviennent systématiquement, ce sont la levrette et la petite cuillère. Alors... Oui, je crois qu'il faut préférer la petite cuillère. En tout cas, jusqu'à 3 mois, on fait ce qu'on veut. Après, c'est vrai que ça devient encombrant, ce ventre, qu'il vaut mieux passer par derrière. Eh bien, on continue avec vos témoignages. Vous réagissez, vous aussi. Est-ce que vous trouvez que la femme enceinte est plus excitante? 32-16 pour donner votre avis, ou moins d'ailleurs. Hein. Je crois qu'il faut vraiment laisser à chacun sa possibilité de dire ce qu'il pense. Et puis, nous irons aussi sur un tout autre sujet avec Sandra, qui a une sorte de blues après l'orgasme de son compagnon. Et elle essaiera de nous expliquer pourquoi. Je vous propose de se retrouver tout de suite après les infos.